ce qui elle deviendra, ce que pense tout haut, ce qui ne parle pas, comme autant de silences qui deviendront des voix, comme autant de soupirs qui deviendront des mots, comme autant de sourires qui renaîtront bientôt. Quand on peut espérer, finit la solitude, quand on tourne la page, finit les habitudes, quand tes yeux me regardent et que je sais déjà que pour nous séparer, ce qui deviendra. Qui écoute son cœur jamais ne faillira, qui cherche le bonheur un jour le trouvera, un jour le trouvera. Tout ce qui elle deviendra, comme cet arbre caché dans le cœur de la noix, et ce geste ébauché qui nous rapprochera, et le poing desserré redeviendra caresse, et l'amour décrié redeviendra jeunesse, et l'éclat des bougies dans le cœur de la ville éclairera la nuit de sa lueur fragile. Quand tes yeux me sourient et me font la promesse que pour nous séparer, ce qui deviendra, qui écoute son cœur jamais ne faillira, qui cherche le bonheur à